Vous êtes toujours à l'écoute de Bulle de Rêve, l'émission 100% animation sur Radio Libertaire 89.4. Alors donc autour de la table, j'ai eu 4 cinéastes récemment primés à Roche, Jérémy Clapin, Sébastien Lodenbach, Arthur de Pince et Valérie Pierson. Alors Valérie, on va commencer par toi. Première question, un petit peu bateau, ça fait quoi d'obtenir 3 prix par 3 jurys différents? Est-ce que on prend ça pour un encouragement, pour continuer, hein, juste un plaisir? Oui, bah c'est évident, ça touche énormément. C'est après un an de boulot où tu es un peu tout seul face à ton truc en essayant de donner le meilleur, mais en ayant un peu la crainte de comment ça va être reçu et tout ça. Surtout quand tu... Enfin, moi, mon film, je voulais qu'il touche les gens, donc c'était vraiment ça. La question, c'est est-ce qu'ils allaient s'y reconnaître? Est-ce que ça allait leur parler? Ou est-ce que ça allait être un film nombriliste qui... Donc évidemment, quand 3 prix comme ça de gens très différents, parce qu'il y avait un prix jeunesse, donc composé surtout de jeunes lycéennes, et puis les autres prix plutôt de monsieur plus âgé, ça montre que bah ouais, ça fait super plaisir, ça montre que ça a marché, que ça parle et que donc c'est réussi. Pourrais-tu rappeler ces prix à nos auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant tous? Alors j'ai eu 3 prix. j'ai eu tout d'abord le prix jeunesse. Donc c'était un jury constitué de lycéens, mais plutôt de lycéennes, puisqu'il y avait un garçon. Oui, tu viens de le dire. Voilà. Ouais. Bon, je me répète. Après, il y avait le prix de la SACD. Ex aequo. Avec le gros billet. Avec le gros billet, voilà, c'est là. Et puis le troisième prix, ben, c'était le prix du jury. Alors ça, oui, c'est l'une des bizarreries de cette année à Auch. Par souci visiblement de démocratisation, l'AFCA, qui est l'organisateur, a décidé d'enlever tous les noms des prix, ce qui fait qu'en fait on a 3 prix par catégorie. Et donc, mais il n'y a pas de nom à ces prix-là, par exemple. On dira après pour les catégories court-métrage. Hein, Sébastien et Arthur ont eu un prix, c'est le même. Il n'y a pas de... On ne sait pas trop. Donc ça, c'est une petite chose, à mon avis, justement, à changer. Ils auraient dû avoir une mention, comme ça. Mais moi, d'ailleurs, je rectifie, j'ai pas eu de prix, j'ai eu une mention spéciale. On l'a dit, t'inquiète pas. C'est juste honorifique. Il n'y a pas d'argent, mais tu sais pourquoi tu as la mention. Ça n'a pas de prix, en fait. Voilà. Mais il n'y a pas de grand prix, remarquez. C'est là qu'on se battait souvent. Oui. En disant, si ça a reçu le grand prix, alors moi, j'aurais dû recevoir le grand prix puissance 12. C'est quoi le nom? C'était quoi le nom des prix à... Ah, il n'y a pas. Non, mais avant. Avant, il y avait un grand prix, il y avait spécial du jour. Enfin, premier prix du court-métrage, etc. Comme justement, il y a un côté un peu familial justement à ce festival, enfin, on l'a assez souligné. Moi, je trouve que c'est assez cohérent en fait, avec l'identité du festival, le fait d'avoir 3 prix comme ça, à chaque fois pour des raisons précises, parce qu'à chaque fois, il y a un petit commentaire des membres du jury. C'est vrai. Mais voilà, alors je ne sais pas quel est ton commentaire à toi. Si, on a quand même eu chacun une bouteille de liqueur. Ah ouais, moi aussi, ouais. Parler d'alcool comme ça à la radio. Enfin, je pense que t'as pas eu toi. Mais moi, j'étais pas là, moi, pour la radio. Bah écoute, t'as pas eu ta bouteille de liqueur, bah non. Mais c'est pour ça qu'on récupérera ça. Bon, bah, oui. Moi, j'en ai eu 2, je crois. J'en ai eu 2. On va revenir à Pistache. Juste pour résumer Pistache, est-ce qu'on peut résumer Pistache en disant que c'est l'histoire d'une jeune femme prise entre son ressenti psychique et sa volonté de le maîtriser, se confrontant à la réalité de la vie quotidienne? Oui, ça peut être dit comme ça. Moi, je me suis un peu cassé la tête. Moi, comme résumé, j'avais mis restitution mouvementée de la pensée de quelqu'un qui essaye de comprendre comment aller bien. Enfin, c'est ça. C'est un petit fragment de pensée comme ça qui restitue un peu. Ces réflexions qu'on se fait à nous-mêmes, qu'on est tout seul, qu'on essaye de savoir un peu ce qui nous faut pour être bien, quoi, des petites réflexions comme ça. C'est un peu... Oui. Enfin, en fait, ce que tu disais, c'était pas mal. Alors, on pourrait rester sur ce sujet. Mais, alors, en fait, tu as fait une mise en boîte, là, j'ai l'impression. Colossale, oui, non? Parce que tu as présenté ça comme si c'était France Culture, là, dans le film lui-même, avec le psychisme qui est... Ce sont les faits de enfin, reflété sur l'écran, c'est tout de même formidable, c'est scientifique pratiquement. Mais c'est ça, souvent les faiblesses des courts-métrages d'animation d'étudiants, il faut rappeler quand même que Pistache est le film de fin d'études de Valérie, sont souvent les scénarios. On note souvent ça dans les films d'étudiants. Il y a une énergie, une volonté au niveau de la technique qui est là, qui est souvent présente, et souvent donc, la force du film de Valérie, notamment dans ce scénario, et je voulais savoir justement si ce scénario, on sent qu'il a passé beaucoup de temps dessus, sur le développement de cette histoire. Ça vient de l'enseignement de l'ENSAD, est-ce que c'est inné? C'est venu depuis très longtemps. Inné, je sais pas. Oui, déjà, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris la plus grosse partie du temps même, puisque si on regarde mon année, j'ai commencé à écrire pendant l'été, et j'ai seulement commencé à tourner en mars. Donc avant, ça a été beaucoup d'écriture, beaucoup de prise de tête, j'écrivais des petites scénettes comme ça, mais je voulais surtout bien réfléchir à ce que je voulais dire, parce que c'est vrai que ça, c'est peut-être, ça vient peut-être de l'ENSAD, enfin j'ai l'impression qu'on insiste beaucoup sur à chaque fois qu'on commence un projet, à écrire une note d'intention, enfin à bien préciser qu'est-ce qu'on veut faire passer et comment après ça vient après. C'est une fois qu'on sait bien ce qu'on veut dire, après c'est plus facile, on trouve les moyens de le dire et tout ça. Et donc c'est cette définition de ce que je voulais faire passer qui m'a pris beaucoup de temps, parce que je savais très tôt que je voulais parler des sentiments et de l'état variable de quelqu'un. Mais après, comme j'avais peur de tomber dans le catalogue, grosse partie de ma réflexion, ça a été comment faire quelque chose d'intéressant où il y a quand même une évolution tout au long du film. Alors justement, il y a des parties bien différentes visuellement dans le film. Évidemment, certaines sont très dépouillées sur fond blanc, d'autres au contraire s'appuient sur des fonds de différentes couleurs. C'était facile de trouver les différents univers reflétant en fait les différentes phases par lesquelles passe ton personnage? Justement, une fois que j'avais bien défini chaque chose que je voulais dire, ça c'est venu après assez facilement, parce que le plastique, c'est un truc avec lequel je suis à l'aise. Enfin, contrairement au scénario qui était vraiment un truc nouveau, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, forcément. Et donc... Donc après, ça a coulé de source. J'avais envie de parler de ces sentiments. Donc j'avais pas envie que ça passe par l'expression bête d'un visage ou quoi. Donc j'ai voulu cercler ce sentiment avec de trois parts différentes. Donc il y a le quotidien, qui est un peu la surface visible de tout ce bouillonnement intérieur. Donc ça va être par des petits actes manqués, par sa façon d'être dans la vie de tous les jours, ce qu'elle va faire, ses occupations et tout ça. Après il y avait la raison, donc qui est plus notre rapport face à nos émotions, on essaye de théoriser tout ça. Et puis en troisième, il y a les scénettes fantasmagoriques, que j'appelais comme ça, qui sont plus des métaphores, essayer d'illustrer, donner une image de ses sentiments. Donc de là, ça a découlé très facilement. Le quotidien, je voulais que ça soit quelque chose, que ça appartienne à la maison. Donc je voulais un espace confiné qui est un peu comme les souvenirs qu'on a des choses. Donc c'est que des éléments rétro-éclairés comme ça, avec les bords des cadres plus sombres. La raison, je voulais que ça soit scientifique, donc j'ai réutilisé très simplement les éléments de la chimie, parce qu'on aimerait bien que ça soit aussi simple que des formules. Donc il y a on peut reconnaître le tableau de Mendeleïev, on peut reconnaître les formules de liaison atomique, on peut retenir remarquer des trucs comme ça. Et puis donc le troisième, les scénettes fantasmagoriques, ça c'est rempli de petites matières, d'objets, de qui par leur caractère nous fait penser à une émotion, froid chaud, le mouvement aussi, l'ambiance, la lumière. Alors pour mieux comprendre l'univers visuel du film, quelle technique d'animation tu as employée? Ça s'appelle le banc-titre, bon, ça ne dit pas grand-chose à... Mais en gros, c'est on a une caméra ou un appareil photo, et puis en dessous, on va animer en direct. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme le dessin animé, plusieurs fois le dessin et les enchaîner. On va prendre un objet et ce même objet, le déplacer et à chaque fois prendre une photo. Donc mes objets, après que je mettais, ben, je l'ai dit, c'est les décors, c'est souvent des... J'ai un hangar en face de chez moi avec des tas de vieux trucs et donc j'ai récupéré notamment pas mal de vieux papiers donc, qui avaient été usés par le temps avec des taches, avec des teintes, avec des... donc il y a des... Toutes mes matières doivent être translucides, enfin de laisser passer la lumière. Donc ça peut être aussi des calques, oui, plein de sortes de papiers différents. Et puis alors, en plus, il y a des petits objets, soit préexistants, soit des petites matières bricolées avec des tas de choses. C'est un peu dur à décrire. Mais c'est comme un petit théâtre. Voilà, c'est tout à fait ça. Enfin, j'avais l'impression, j'avais ma table remplie de bordel et de trucs en tout genre. Et puis, je faisais mon petit théâtre. Tu as mélangé les techniques. Alors, la partie photo, par exemple, est-ce qu'elle était utilisée conjointement avec tes petits papiers, une animation différente? Et as-tu fait intervenir alors aussi les vues réelles en faisant des projections sous la table? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était aussi complexe que ça? Ou bien tu as fait simplement l'un après l'autre, chaque fois la technique qui s'adapte à l'histoire? J'ai l'impression que tu as... Mais que tu as combiné plusieurs techniques dans la même scène au moment du tournage, je veux dire, est-ce exact? Les photos, ben c'était des photos que... Enfin, les décors, il y a des photos en fait imprimées sur calque, rhodoïde, ou... La même photo était imprimée sur plein de matières différentes et superposées, ce qui lui donnait un côté flou et profond, mais c'était mis directement en dessous de la caméra, et puis à côté, je mettais mon bonhomme, et... Tous les aimants étaient là, c'était pas du tout... Jérémy ? Et est-ce qu'avec cette technique, tu t'es retrouvé avec une matière supplémentaire C'est-à-dire que tu avais le choix à la fin, quand tu avais tourné, de couper dans les rushs, un choix qu'on n'a pas forcément beaucoup en animation. Généralement, on conçoit vraiment tout avant de fabriquer l'animation, ou le mouvement. Ben et toi, oui. Avec ta technique, en fait, tu t'es retrouvé certainement avec... À un moment donné, la possibilité de partir dans une autre direction au niveau du scénario ou de voir des choses que tu n'avais pas prévues au début? Bah complètement, surtout que j'ai jamais eu de storyboard, c'est-à-dire que mon scénario n'était pas écrit, j'ai jamais réussi à l'écrire en précisant mes scènes. J'avais besoin d'avoir les scènes pour jouer avec au montage, pour les mettre à côté, pour voir ce que ça donnait. Du coup, en fait, j'ai tourné mon film scène après scène, en commençant par la première, puis la deuxième, sans du tout savoir comment il allait terminer, ni ce qui allait suivre. Et donc, chaque jour, je faisais mes petits essais, et puis après, je regardais au montage si ça suivait bien, s'il ne fallait pas plutôt partir ailleurs. Et du coup, c'est vrai qu'à la fin, je me retrouve avec plein de scènes qui me tenaient pourtant à cœur, mais que je n'ai pas mis au final, parce que ça nuisait au... à la colonne vertébrale du truc, quoi. Donc effectivement, ouais, j'ai plein de... j'ai le luxe d'avoir des rushs. Tu penses que le timing, qui est excellent, d'après ce que j'ai en tête, est dû au montage en grande partie, ou bien tu as ce timing en tête, tu avais tout de même, tu savais, je veux dire la durée, nous parlons de durée, n'est-ce pas, pas seulement de chaque action, mais d'une scène par rapport à l'autre, tu vois, pour qu'il y ait un rythme finalement qui existe dans ton film, ce n'est pas ça. Il y a une progression et une cohésion, bien entendu, un thème, c'est ça qui est merveilleux. Ouais, ça c'est un truc auquel que je voulais vraiment, parce que j'avais été surprise par le fait à Annecy notamment qu'il y avait beaucoup de films qui finalement étaient il y a des magnifiques films comme ça, mais il y en a beaucoup qui étaient lents, et moi j'avais envie de faire quelque chose d'assez dynamique, quoi. Donc donc c'est vrai que je voulais pas que ça soit contemplatif, que ça soit juste beau. Je voulais qu'il y ait du rythme et qu'on s'ennuie pas, quoi, et qu'on garde le fil, qu'on soit pas juste là à admirer la belle image. Et donc c'est vrai qu'au montage, ben, j'y suis revenue plusieurs fois, je coupais, je redynamisais, le lendemain je revenais, je trouvais ça encore trop long, donc je recoupais, et, Et ouais, je travaillais beaucoup au montage pour trouver ce dynamisme que. Ça c'est à une image près, pratiquement souvent, non, que ça tient, ou deux, oui. Oui, ben on anime de tout. Et on dit, parce qu'on dit souvent dans le dessin animé, le montage est fait avant, n'est-ce pas, déjà sur le papier. Voilà, ça dure tant et tant de secondes, et ça pour que la production avec une équipe, par exemple, puisse se faire. Ça. J'enfonce des portes ouvertes, mais chez toi, toi, tu étais obligé de créer ça au fur et à mesure, puis au montage, de préciser, de tout des accélérations. Au fur et à mesure, oui. Enfin, ça, c'est, je tournais, c'est un je montais, savoir-faire et un talent. Alors, Sébastien, qui a vu un peu le film se faire, non ? Oui, moi, j'ai vu... j'ai pas vu vraiment le film se faire, mais je voulais que tu nous parles du son, parce que par rapport à ce que tu disais sur le rythme, etc., il y a un son très, très particulier dans le film, et notamment tout ce qui est de l'ordre de la voix, des dialogues, tout est fait... tout est un peu esquissé, on perçoit certaines phrases, on n'est pas sûr d'avoir bien entendu, enfin le son est à la fois très présent et en même temps rien n'est mis en avant, tout est très subtil et j'ai rarement vu en fait un film comme ça, surtout un film d'animation où en général le son est très très présent, chaque dialogue, ce qui est le cas dans mon film par exemple. Ben, le son, oui, il est très important parce qu'en fait, comme j'ai commencé par écrire, comme je l'ai dit, et donc très vite, avant de toucher à la matière ou aux images, je me suis mis à enregistrer ma voix en train de dire justement ces dialogues, ces phrases importantes, ces théories, et ça avant les images. Donc le son est presque arrivé avant. J'avais pas ma trame, mais le peu que j'avais, c'était constitué par ce son. J'avais commencé à enchaîner des phrases entre elles pour essayer de rythmer et de jouer avec le... Ouais, j'avais fait comme une première ébauche comme ça de mon film en positionnant ces sons les uns par rapport aux autres. Sans les images, je m'amusais déjà au montage juste sonore, que ça se réponde bien, qu'il y ait des relevés de rythme comme ça. Tu as travaillé avec l'actrice ? Oui. Hein, au niveau de la voix même. Ouais, après, ouais, tu dis. Sa voix, tu... même. Oui, enfin, ça, c'est pas très. Mais. Elle était peut-être pas au courant. Non, mais c'est une idée qui s'est un peu. Mais comme tu disais, oui, tu disais que la voix était un peu, qu'on n'entendait pas toujours... Parce qu'il y a une voix off, donc il fait une espèce de commentaire, et puis il y a plein de dialogues dans l'image, qui correspondent à l'image, aux actions qu'on voit, et aux réflexions que se fait le personnage à elle-même, finalement. Et ça, c'est très très esquissé, c'est « Ah bah tiens, merde, j'ai encore fait tomber ce truc-là », mais on l'entend à peine. Et c'est... Oui, parce que justement, mes dialogues, je voulais que ça soit des phrases tirées du quotidien, vraiment. Donc je voulais pas que ça soit joué, je voulais que ça soit le plus naturel, et je voulais vraiment retrouver la phrase juste qu'on a tous dit un jour, et que ça soit pour ça que ça nous fasse sourire, parce que c'est pour qu'on s'y retrouve à travers. Et donc, Quand j'ai travaillé avec Elisa, l'actrice, je voulais vraiment pas qu'elle... comme c'est avant tout elle a l'habitude surtout de faire du théâtre, je voulais surtout pas l'obliger à rester immobile, bien droite face au micro. Et donc je la laissais jouer, parce que mon but c'était vraiment que ça soit le plus naturel possible. Et d'ailleurs, je la laissais des fois improviser, et finalement au montage... j'ai réécouté tout et je prenais la petite phrase où elle avait été la plus juste. Du coup, c'est vrai que je préférais qu'elle articule pas, parce qu'elle avait cette tendance là, et que ça soit très naturel plutôt que de rester bien calé à mon texte et de lui faire dire exactement comme je l'avais. Et c'est là que le personnage montre son monde intérieur, justement. Il pense et il exprime ses pensées. Alors on n'a pas besoin d'un auditeur, elle se parle à elle-même en fait, n'est-ce pas ? Et puis nous partageons cette situation. Est-ce que tu te rappelles de quelques mots du dialogue pour que le lecteur se rende compte du ton du film ? Enfin, à peu près. Je me rappelle de tous. Juste le début du film. Alors, le début du film. Alors, on admet la théorie suivante. Toute personne est en équilibre instable, dû à plein de paramètres qui n'arrêtent pas de changer. À chaque moment T, l'état de la personne est défini par Ouais. Jérémy fait la musique derrière. Une combinaison de une certaine combinaison de paramètres. Une combinaison de paramètres. Le dosage. Ah ouais. Non, c'est pas pour vous embarrasser, ouais. Mais c'est tellement unique, parce que de toute ma vie, je n'ai jamais vu un film d'animation aussi intelligent. Alors justement, c'est pour ça que ma petite phrase tout à l'heure, mon petit résumé d'histoire, ça, j'étais pas si France Culture que ça, définissait bien en fait le film de Valérie, qui est en fait un petit travail d'orfèvre aussi bien au niveau de l'animation que des dialogues. On a beaucoup de choses à écouter et à voir dans ce film, et c'est vrai que pour ça, c'est une surprise. Une excellente surprise. Surtout, c'est vrai, je rappelle d'un film de fin d'études. Autour de la table, est-ce que d'autres personnes l'ont vu, Arthur ? Est-ce que tu as vu le film ? Non, j'ai pas vu, moi, j'ai honte. En fait, non, il se trouve que je suis arrivé à Auch vendredi, je sais plus quand il était diffusé. Il était diffusé en effet, je crois, le jeudi, matin ou jeudi. Ah bah non, en plus, je pourrais pas venir, c'est mardi, je crois. Ouais. Bon, Arthur, le matin. C'est en ça que j'ai pas de questions, j'ai vraiment posé une question. Et en plus, j'avais jamais vraiment entendu le thème et tout, ça a l'air hyper intéressant. Non, mais c'est vrai que ça a l'air d'un thème pas forcément traité. Une séance de rattrapage bientôt pour Arthur avec Valérie. Et une bonne fessée aussi. Je sais que tu as travaillé donc avec un autre animateur, Cédric Mercier, sur le dernier film de Michel Gondry, réalisateur de clips français et notamment aussi du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Est-ce que tu peux nous en parler, pas du thème, mais un petit peu, surtout du travail? Est-ce que tu as utilisé la même technique, à savoir du bon titre, que pour Pistache? Oui, mais avec Cédric, on faisait deux choses différentes. Après, j'ai aidé Cédric, mais oui, à la base, c'était. J'ai ramené mon bon titre d'ailleurs. Là-bas, et c'était exactement la même technique, sauf que j'y faisais pas la même chose. Et en gros, c'était soit du dessin très simple sous caméra directement, soit c'était des petits modules en carton que j'animais. Ouais, je veux pas en dire tellement plus, mais. L'histoire est prévue, le film, pour ceux qui vont le voir, est prévu la sortie normalement janvier. De l'année prochaine, donc 2006, ah ouais, tout à fait, et raconte en fait l'histoire visible d'un homme qui mélange en fait rêve et réalité, et donc beaucoup de séquences de rêves. Voilà, il y a beaucoup de mélanges. C'est un film pas d'animation, de vue réelle avec des vrais acteurs, mais par contre, comme le rêve a une grande place, il y a toujours un mélange, notamment des rétroprojections, et ça se. L'anime se mélange sans cesse à la réalité, ce qui fait un... Et comment tu l'as rencontré, il a vu ton travail, comment ça s'est passé? Ben c'est un ami, Khalid, mais il n'est pas là, il est au Maroc, mais qui travaille à Partisan en fait, et qui avait vu mon film on se connaissait pas à l'époque en fait, mais il était tombé sur mon film et comme par hasard, quelques jours après, à Partisan, il cherchait quelqu'un pour faire... des animations bon titre, donc j'ai envoyé mon film et ça a plu à monsieur Gondry, qui a bien voulu de moi du coup. Et donc après le long métrage, est-ce qu'on peut espérer avoir un court métrage d'animation pour Auch dans 2 ans, Annecy l'année prochaine, en tout cas tu es prêt à faire quelque chose de nouveau? Le film est fini là, hein. Tu as fini ton travail. Donc mon film, Le Gondry est fini. Là, ils sont au montage. Là. D'accord. Et donc maintenant, pour Valérie Pierson, quels sont les prochains mois? Les prochains mois, moi, ce que j'aimerais bien, c'est... je me sentirais pas la force, là, tout de suite, de recommencer un autre film. Enfin, parce que j'ai beaucoup donné. Et puis, c'est un long travail en solitaire. Donc, j'ai un peu envie de travailler avec des gens. Pour des gens, et donc par exemple le clip ou ce genre de choses serait un bon compromis pour continuer à faire de l'anime, mais être un peu libéré de... Et puis très vite par contre, dès que je me serai remplie, je referai un court métrage, ouais. Bon, merci. J'espère. Merci beaucoup Valérie.